Le poème du corbeau d'Odin, chant d'introduction. Le père de tous est puissant. Les alphes ont du discernement. Les vannes sont savants. Les nornes indiquent sur leurs boucliers la marche du temps. Les géantes enfantent. Les hommes souffrent. Les tourzars soupirent. Les valkyries aspirent après les batailles. Les ases ont de tristes pressentiments. Des démons artificieux les troublent par des runes magiques. Urd est chargé de la garde d'Odreyr et de le défendre énergiquement contre la plus grande multitude. C'est pourquoi Hugen hâte ses recherches dans le ciel. Les dieux appréhendent des chagrins s'ils tardent longtemps. Thrain rêve des malheurs et Danes redoute des infortunes encore cachées. Les forces des nains deviennent languissantes, les mondes s'affaissent sur les enfants de Ginnung. Souvent, Alsvider répand sur eux la rosée d'en haut et reprend ce qui est tombé. Jamais la terre ou le soleil ne s'arrête. La ruse ne peut entraver le courant de l'air. La sagesse des hommes est cachée dans le puits limpide de Mimr. Me comprenez-vous? Descendue du frêne Yggdrasil, la déesse séjourne avec curiosité dans les vallées. Ces vallées donnent le nom d'Idun à la plus jeune des enfants d'Ivald, de la race des Alphes. La déesse s'affligeait de ne plus résider dans le frêne. Elle s'affligeait encore davantage de se trouver parmi les descendants de Nörvé, habituée qu'elle était à de plus belles demeures. Les héros, ayant vu que Nanna éprouvait du chagrin dans les cours de la terre, lui donnèrent une forme de loup. Elle s'en laissa revêtir, changea d'humeur, de couleur, et badina avec ruse. Vidreur, Odin, chargea la sentinelle de Bœufrost de demander à la fille de l'or ce qu'elle savait sur tous les mondes. Brage et Lopter servirent de témoins. Ils montèrent sur des loups dans la cour de Heimer et chantèrent l'évocation. Odin l'écouta de Lidskjalf et invita les hommes à s'éloigner du chemin. Le sage demanda à Idun, qui verse l'hydromel aux descendants des dieux et à leur compagnie, si elle connaissait l'origine, l'âge et la fin du ciel, de la terre et de l'abîme. Elle ne parla point, ne put répondre une parole à ceux qui l'écoutaient, ni articuler un son. Les larmes tombèrent des boucliers de sa tête et mouillèrent ses joues. Les boucliers de sa tête sont ses yeux. Comme Elivagar qui vient de l'Orient, elle arrive avec force cette baguette du géant qui frappe à minuit tous les peuples du magnifique Midgard. Alors les bruits cessent, les mains tombent, le dieu blanc s'assoupit, l'enivrement du sommeil interrompt la joie des géantes, les méditations de l'esprit et la haine vigilante. Les dieux crurent que la jeune fille était endormie lorsque, oppressée par la douleur, elle ne put leur répondre. Ils craignirent un refus, mais sa réponse les satisfit encore moins. Le général des dieux partit pour interroger le gardien de la trompe de Gjallar dans les salles du père des armées. Il emmena avec lui le fils de Nala, Loke. Le poète de Grimmar, Brage, resta pour garder la place. Les hommes de Vidar arrivèrent à Vingolf. Ils avaient été conduits par les enfants de Forniot, le vent et l'eau, entrèrent et saluèrent les ases assises au banquet joyeux. Ils souhaitèrent à Odin d'être le plus heureux des ases et de régner du haut de son trône. Ils souhaitèrent à ses conseillers divins assises au banquet de jouir avec le père de tous d'une joie éternelle. Sur un ordre d'Odin, toute la compagnie céleste s'assit sur les bancs et l'on mangea Zerimner. Skegul puisait avec convenance dans la cuve de Nikar, Odin, et versait l'hydromel dans les coupes de la mémoire. À table, les dieux adressèrent beaucoup de questions à Heimdall et les Asès à Loke, afin de savoir si la jeune fille avait fait des prédictions ou proféré de sages sentences. Ainsi se passa le temps jusqu'à l'arrivée des ténèbres. Les messagers dirent qu'ils n'avaient point réussi dans leur commission et qu'il serait sans doute difficile de trouver un moyen pour obtenir une réponse de la jeune fille. Aume prit la parole et tous l'écoutèrent. Prenons cette nuit pour nous livrer à de nouvelles méditations, afin de pouvoir donner demain matin un avis au oase clément. La mère de la terre, la nuit, courut dans le sentier de Rinda à travers des contrées appartenant au père des loups, les montagnes. Odin et Frigg se retirèrent du festin et saluèrent les dieux quand Rimfax partit. Le parent de Delling, le jour, fit avancer son cheval couvert de pierres précieuses et dont la crinière éclaira tout Mannheim. Il traînait le jouet de Dvalin, le soleil. Les géantes, les Tursars, les morts, les nains et les alfes allèrent se livrer au repos sur la limite septentrionale de la terre et en dessous de la dernière racine du monde. Les dieux s'éveillèrent, la pourpre des alfes sortit des ténèbres, la nuit s'enfuit au nord vers Niflheim. Le fils d'Ulfrun, Heimdall, gardien de la troupe de Himingborg, passa le Bifrost.